بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Donc pour les frères et les sœurs qui nous écoutent à travers la radio de Merkaz al-Furqan, on continue cette série de cours ayant pour titre « Sharh al-Adab al-Mufrad » de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, explication faite par Cheikh Zayd ben Hadi al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il a intitulé « Aounul Ahad al-Samad »« Sharh al-Adab al-Mufrad » Et on est arrivé au chapitre qui s'attache et étudie ce qui concerne la désobéissance aux parents. Il dit « Babu uquqil walidain » Chapitre sur la désobéissance aux parents. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال يعني ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت والحديث حديث صحيح. Chapitre sur la désobéissance aux parents. Musaddad nous dit d'après Bishr ibn al-Fadl qui dit Al-Jurayriyu nous dit d'après Abdurrahman ibn Abi Bakra d'après son père que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ne vous informerai-je pas des plus grands péchés parmi les péchés majeurs ? Et il répéta cela trois fois, c'est-à-dire qu'il l'a dit trois fois. Ils dirent alors, certes oui, au messager d'Allah. Il dit alors, alayhi salatu wassalam, l'association à Allah et la désobéissance aux parents. Il s'assied alors, alayhi salatu wassalam, car il était couché, puis il dit, ala wa qawlu zur. Et ala, en langue arabe, c'est une particule qu'on utilise et qui s'appelle harfu tanbih. Et qui est une particule pour attirer l'attention sur ce qui va être dit après parce que c'est quelque chose d'important. Et donc il a dit, le prophète Aïssa, attirant l'attention sur l'importance de ce qui va être dit, Ala wa qawlu zur. Et la fausse parole ou le faux témoignage. Et il ne cessa de répéter cela à Aïssa, à tel point que je dis, si seulement il avait pu se taire. Alors il ne faut pas mal comprendre cette parole ici, s'il avait seulement pu se taire. Cheikh Zayd, comme je vais l'expliquer dans un instant, il va dire que c'est parce qu'ils avaient peur, ridwanallah alayhim, par rapport à ce qu'il dit et la sévérité du châtiment. Et aussi, certains ulama ont expliqué pourquoi, parce qu'il a dit ça en compassion par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il avait vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était indigné, s'était froissé de cela et de, par rapport à la gravité de ce faux témoignage. Et donc, par compassion envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si seulement il avait pu se taire. Quand il a vu l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à la gravité de cet acte. Donc Cheikh Zayd, rahimahullah ta'ala, il explique cela, il dit Al-kaba'iru kathira wa qad dakara al-ulama'u dhabit al-kabira faqalu yad-dhanbu alladhi yatarattabu alayhi haddun fi dunya wa 'uqubatun fi al-akhirah aw ad-dhanbu alladhi yukhtamu bil'anatin aw ghadabin fa'ala hadha al-kaba'iru laysat mahsuratan fi sab' al-mubiqat aw at-tis' al-mubiqat. Les péchés majeurs sont nombreux et les savants ont donné la définition du péché majeur, c'est-à-dire une définition qui englobe les péchés majeurs pour qu'on puisse savoir quel péché est majeur et quel péché ne l'est pas. Et ils ont dit, plusieurs définitions évidemment, ici ils vont rapporter certaines, eh bien les ulémas ont dit, c'est le péché qui résulte en une peine légiférée, un had, dans ce bas monde et un châtiment dans l'au-delà. Ou le péché qui est scellé par une malédiction ou une colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres ulama, ils ont dit aussi qu'on peut rajouter à ça ceux où il y est licité le feu. Ou par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue s'il en sent de quelque chose, etc., etc. Donc, ici, le Cheikh Zayd, rahimahullah ta'ala, il dit, ces péchés majeurs ne sont pas restreints au nombre de sept, ou sept ou neuf péchés capitaux destructeurs. ويروى عن ابن عباس ويروى أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الكبائر أسبع هي قال هي إلى السبعين أقرب ويروى أنه سأله سائل آخر فقال هي إلى السبعمائة أقرب وذلك أنها كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو ختم بوعيد شديد أو بلعنة أو بغضب أو عذاب أليم كل ذلك يعتبر من الكبائر. Abdullah bin Abbas, le noble compagnon, qu'Allah l'agré lui et son père, il fut questionné au sujet des péchés majeurs. Sont-ils au nombre de sept? Il répondit, ils sont plus proches de 70, de 70. Ça, c'est un athar qui est rapporté de manière authentique, notamment par Abdelrazzaq dans le Moussanaf et Tabari dans son exégèse, Ibn Abi Hatim, etc., etc. Il a été aussi rapporté qu'il fut questionné par quelqu'un d'autre et lui répondit, ils sont plus proches de 700. Et ça a été cité notamment par Tabari dans son exégèse, Ibn Abi Hatim dans son exégèse, comme c'est rapporté dans l'exégèse d'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Et ce, car tout péché qui résulte, car c'est tout péché qui résulte en une peine légiférée dans ce bas monde, ou qui est scellé par une menace sévère, ou une malédiction, ou une colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voir à ce sujet-là, recueil de Fatawa d'Ibn Taymiyyah, volume 11, page 650 à 658, notamment aussi Madaris Salikin et le Jawab al-Kafi, qui sont tous les deux des livres d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, et l'explication d'Al-Wasitiyya d'Ibn Abil Iz al-Hanafi, rahimahullah ta'ala. Donc on a dit, c'est tout péché qui résulte en une peine légiférée dans ce bas monde, ou qui est scellé par une menace sévère, ou une malédiction, ou une colère d'Allah, ou un châtiment douloureux. Tout cela est considéré comme faisant partie des péchés majeurs. وأعظم الكبائر الإشراك بالله تبارك وتعالى سواء أكان شركا أكبر أم شركا أصغر والشرك الأكبر أعظم وأخطر وهو صرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل أو إشراك غير الله مع الله في العبادة أيا كان نوعها لذا وجب تفقد النفس في كل وقت وحين أبريئة هي من الشرك أم واقعة في شيء من أنواع الشرك فإن الشرك أخفى في الأمة من دبيب النمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. Donc le péché majeur, le plus grave, est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, que cela soit une association majeure ou une association mineure. Mais l'association majeure est plus grave et plus dangereuse encore. Et c'est de vouer une adoration à autre qu'Allah le Très-Haut ou associer autre qu'Allah à Allah dans l'adoration, et ce, quel que soit le type d'adoration. C'est pour cela qu'il est obligatoire de surveiller son âme à tout moment et à tout instant. Est-elle innocente de toute association à Allah ou est-elle tombée dans l'un des types d'association à Allah, qu'Allah nous préserve tous de cela. Car l'association à Allah est plus invisible et plus cachée que le mouvement d'une fourmi, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. L'association chez vous est plus invisible min dabib an-naml que le mouvement d'une fourmi. Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari dans l'Adab Mufrad, Abu Ya'la dans le Musnad, et Ishaq al-Marwazi dans le Musnad Abi Bakr, d'après le hadith d'Abu Bakr, qu'Allah l'agrée. Et donc, ici le cheikh l'explique, il dit « Wa huwa an yaqsud al-insanu bi'ibadati ma'allahi ghayrah » فيزينها من أجل نظر الناس إليه أو قصد المدح والثناء عليه فيدخل عليه باب من أبواب الشرك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قال قلنا بلى فقال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. L'association chez vous est plus invisible que le mouvement d'une formule, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et c'est que la personne est pour intention autre qu'Allah avec Allah dans son adoration. Et donc, l'embellit aux yeux des gens. Ou qu'il est pour intention les éloges et les louanges des gens à son sujet. Et donc, entre chez lui, l'une des portes de l'association Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la définition qu'on les ulama ont donnée à Riya et Sum'a. C'est qu'on peut traduire tous les deux par l'ostentation en français, mais il y a une différence entre les deux. Et c'est Riya, c'est que tu aimes être vu, et c'est pour ça que tu embellis ton acte d'adoration, l'aïdou billah. Et Sum'a, c'est que tu aimes entendre qu'on dise de toi du bien parce que tu prie bien ou que tu fais bien ton adoration et donc tu l'embellis pour cela. Donc la différence, c'est par rapport au sens. Ria, c'est qu'on te voit et que tu sois vu, et tandis que As-Sum'a, c'est par rapport au fait que tu entendes qu'on dise du bien de toi. Donc, on continue ici l'explication. Et donc, c'est que la personne est pour intention autre qu'Allah avec Allah dans son adoration, et donc l'embellit aux yeux des gens. Ou qu'elle est pour intention les éloges et les louanges des gens à son sujet. Et donc, entre chez lui, l'une des portes de l'association Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve tous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne vous informerai-je pas de ce dont j'ai plus peur pour vous que le Messie déjà, le faux Messie? Ils dirent, certes oui, au messager d'Allah. Il dit alors, alayhi salatu wa sallam, l'association cachée. Et c'est que l'homme, il a défini, et c'est que l'homme se lève pour prier, puis embellit sa prière car il voit qu'un homme le regarde. Et ce hadith, il rapporte par Ibn Majah, d'après le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'a gré. وأما الأكبر فإنه من مات عليه فحرام عليه الجنة ولو عاش في صفوف المسلمين كمن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يأتي السحرة والكهنة مصدقا لهم أو غير ذلك من ضروب الشرك الأكبر الذي يقع ممن غلبت عليه الشقوة والعياذ بالله ولو كان في مجتمعات المسلمين لذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك عند ذكر الكبائر بل هو أكبر الكبائر على الإطلاق وإن كان شركا أصغر كالرياء في العمل ونحو ذلك من الكلمات التي أجراها الشيطان على ألسنة الناس وجعلها خفيفة مثل لولا فلان ما حصل لي كذا وكذا ولولا مهارة السائق ما سلمنا وقولهم ما شاء الله وشاء فلان وغيرها من الألفاظ التي هي من ضروب الشرك الأصغر من قول أو فعل فهو أيضا خطير على أهله لذا وجب التفقه في الدين وفهم التوحيد فهما جيدا للرجل والمرأة والصغير والكبير. Quant à l'association majeure, wal'adou billah, celui qui meurt en l'ayant commis, c'est-à-dire sans s'être repenti, sans s'en être repenti, il lui est interdit d'entrer au paradis, et ce même s'il a vécu dans le rang des musulmans, au sein des musulmans, à l'instar de celui qui sacrifie une bête pour autre qu'Allah, ou il fait un vœu pieux pour autre qu'Allah, ou se rend chez les sorciers et les devins, tout en les croyant, ainsi que d'autres manifestations parmi les manifestations d'association à Allah majeure qui émanent de ceux qui sont dominés par le malheur et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre cela. Elle dit le shir, et même si cela arrive dans les sociétés musulmanes, c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par l'association à Allah lorsqu'il a cité les péchés majeurs. Mais de plus, c'est le plus grave et le plus grand des péchés majeurs, et ce de manière absolue. Et ce même si c'est une association mineure comme l'ostentation dans l'adoration et ce qui est similaire, et comme les paroles que Satan fait dire aux langues des gens et rend légères, comme par exemple de dire « si ce n'était un tel, telle chose ne me serait pas arrivée » ou de dire « si ce n'était l'expertise et la maîtrise du conducteur, eh bien nous n'aurions pas survécu » ou leurs paroles « ce que Allah veut et ce qu'un tel veut » ainsi que d'autres paroles qui font partie des manifestations de l'association Allah mineure en parole ou en acte. Pour avoir plus de détails, allez voir des livres du style de Kitab Tawhid de Cheikh Islam Mohamed Ibn Al-Wahhab rahimahullah ta'ala. J'en ai expliqué les deux tiers sur mon site spfbirmingham.com en audio et en écrit. On n'a pas encore fini, mais c'est dans ce genre de livres et les livres qui ont attrait au Tawhid et à l'Aqidah que vous trouvez encore plus de détails par rapport à ce sujet d'une grande importance. Donc le Cheikh, il dit, ce type d'association est aussi dangereux pour ceux qui le commettent, c'est-à-dire l'association mineure. Et c'est pour cette raison qu'il est obligatoire d'apprendre la religion et de comprendre l'unicité d'une bonne compréhension pour l'homme et la femme, le grand et le petit. Comprendre l'unicité. Fahmu al-tawhid wa fahmu al-shirk hatta yuhaqqiqa al-insanu tawhidahu fayastahiqqa al-jannah. لأن الجنة لأهل التوحيد العاملين للصالحات، وأساس الصالحات توحيد الله تبارك وتعالى. ما لم يخدشه بشرك أكبر أو شرك أصغر فإنه يقع في الخطر. Comprendre l'unicité et comprendre l'association à Allah, c'est-à-dire qu'il faut comprendre l'unicité pour pouvoir l'appliquer et comprendre l'association à Allah pour pouvoir l'éviter. Afin que l'individu puisse concrétiser son unicité. Ce mot important ici, ce mot est important, concrétiser, haqqaqa. Et pour les frères et les sœurs qui ont étudié Kitab Tawhid, ils savent pourquoi j'ai attiré l'attention sur ce mot-là. Et puisse mériter le paradis, car le paradis est pour les gens de l'unicité, qui pratiquent les actions vertueuses, alors que la base des actions vertueuses est l'unicité d'Allah, le Très-Haut. Tant que cette unicité n'est pas entamée par l'association majeure ou l'association mineure, sinon il serait alors en danger. ثم ذكر عقوق الوالدين وأنه من الكبائر العظيمة وأن البر من الأعمال الخيرية العظيمة ومن أسباب دخول الجنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات والحياة الطيبة المباركة للبار بوالديه في الدنيا والبرزخ والآخرة. وبعكس ذلك العقوق، عقوق الوالدين عقوبته عاجلة وآجلة، عقوبة في الدنيا وعقوبة في البرزخ وعقوبة في الآخرة إذا مات وهو من أهل العقوق للوالدين والأب والأم. لذا فالواجب المصارعة إلى البر ورفض العقوق والصبر واعتبار وجود الوالدين على قيد الحياة من الغنائم التي يرتبط بها الإنسان، فيقدم لوالديه ما يسرهما دائما. فإن كان من أهل العلم بين لهم من علمه من أمر الدين أصول الدين وحقوق الدين، وهذا أعظم البر أن يقدم الإبن الذي أعطاه الله شيئا من العلم أن يقدم منه لوالديه بالدرجة الأولى، وهو أفضل من البر بالمال وغيره، ثم يبرهما بالأقوال والأفعال الطيبة التي ترضي الله عز وجل ثم ترضيهما. في لسيتي عليه الصلاة والسلام la désobéissance aux parents comme faisant partie des grands péchés majeurs. Et l'obéissance aux parents fait partie des actions vertueuses les plus grandes et fait partie des causes de l'entrée au paradis et de l'expiation des péchés et d'élévation dans les degrés et de la bonne vie dans ce bas monde et dans le barzakh, c'est-à-dire la vie entre les deux, comme on l'avait expliqué dernièrement, Cheikh Ibn Baz, il avait dit que le barzakh, c'est quand tu es dans ta tombe, à partir de ce moment-là jusqu'à la résurrection, c'est ça ta vie dans le barzakh. Donc dans ce bas monde et dans le barzakh et dans l'au-delà, pour celui qui obéit à ses parents et est bon envers eux. A l'inverse de cela, la désobéissance aux parents. Le châtiment de la désobéissance aux parents est prompt et tardif. Un châtiment dans ce bas monde et un châtiment dans le barzakh et dans l'au-delà. Si la personne meurt en faisant partie des gens qui désobéissent à leurs parents, le père et la mère, wal'adhu billah. C'est pour cela qu'il est obligatoire de se précipiter à être bon envers les parents et de rejeter la désobéissance aux parents, et de patienter et de considérer que la présence des parents vivants fait partie des butins en raison desquels la personne doit se réjouir, dont elle se doit de toujours présenter, aux parents ce qui les réjouit. Si la personne fait partie des gens de science, alors elle leur apprend ce qu'elle sait dans les affaires de la religion, les fondements de la religion et les droits de la religion. Et ceci est la plus grande bonté et le plus haut degré de bonté que le fils à qui Allah a donné quelque chose en termes de science de la religion, peut présenter à ses parents. Et en premier lieu les parents, au niveau de la da'wah et de l'enseignement. Et c'est même meilleur que d'être bon avec les parents, avec de l'argent, ou autre que l'argent. Puis il doit être bon envers eux aussi, par les bonnes paroles et les bonnes actions qui satisfont Allah le Très-Haut, puis satisfont les parents. Vous voyez ici le shirk comme il est précis, justement pour éviter ce shirk dans les paroles, et il a dit satisfaire Allah, puis, il n'a pas dit et, il a dit puis, satisfont les parents. ثم عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن الشهادة الزور لأنها كذب فالكذب حرام في شريعة الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وحث عليه الصلاة والسلام على الصدق بقوله عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. Le prophète صلى الله عليه وسلم a ensuite clarifié l'immense gravité du faux témoignage et de la parole fausse. Car c'est un mensonge et le mensonge est illicite. C'est illicite dans la législation de l'islam, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, prenez garde au mensonge, car le mensonge mène aux turpitudes, et les turpitudes mènent en enfer. L'homme n'a de cesse de mentir et de chercher le mensonge qu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah parmi les menteurs. Et il a cité alayhi salatu wassalam, il a incité alayhi salatu wassalam à la véracité dans sa parole, soyez véridique, car la véracité mène à l'obéissance à Allah et l'obéissance mène au paradis. Un homme n'a de cesse d'être véridique et de rechercher la vérité jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah parmi les véridiques. Et ce hadith, il est muttafaqun alayh, c'est-à-dire qu'il est rapporté par le Bukhari et le Muslim, d'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée. وشهادة الزور من أشلع الكذب لما فيها من الظلم فشاهد الزور. Ici, Cheikh Zayd, rahimahullah, il fait un résumé sur la gravité de Shahadat Zur. Il dit le faux témoignage fait partie des pires mensonges en raison de ce qu'elle comporte comme injustice, car celui qui commet le faux témoignage, et puis il va citer trois points ici. ظلم نفسه أولا بشهادة كذبا وزورا استخفافا بحق الله وهذا من الذنوب العظيمة. Donc celui qui commet le faux témoignage, premièrement, il est injuste envers lui-même, en premier lieu. Car il a témoigné faussement et de manière mensongère et pris à la légère le droit d'Allah. Et ceci fait partie des péchés immenses. Deuxième point. وَأَسَاءَ إِلَى مَنْ شَهِدَ لَهُ زُورًا فَأَكْسَبَهُ مَالًا حَرَامًا أَوْ انْتَهَكَ بِشَهَدَةِ عِرْضَهُ أَوْ سَفَكَ دَمًا فَجَنَى عَلَى مَنْ شَهِدَ لَهُ أَيْضًا. Deuxièmement, celui qui commet le faux témoignage, il est injuste. Pourquoi? Car il a causé du tort à l'encontre de celui pour lequel il a faussement témoigné et lui a fait gagner de l'argent illicite, ou a entaché la réputation de quelqu'un par son faux témoignage, ou a fait verser du sang. Et donc il a également commis un crime envers celui pour lequel il a faussement témoigné. Troisième point de celui qui... au sujet de celui qui commet le faux témoignage, وَجَنَ عَلَى مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ وَظَلَمَهُ أَشْنَعَ الظُّلْمِ شَهِدَ عَلَيْهِ كَذِبًا إِمَّا شَهِدَ عَلَيْهِ وَحَمَلَهُ مَالًا بِشَهَدَتِهِ أَوْ حَمَّلَهُ عِرْضًا أَوْ حَمَّلَهُ دَمًا فَشَهِدُ الزُّور كَسَبَ آثَامًا مُتَعَدِّدَةً مِنْ ثَلَاثِ جَوَانِبَ كَمَا فَهِمْنَا. Troisième point concernant celui qui commet le faux témoignage et qui montre la gravité de cet acte ignoble. Il a commis un crime envers celui contre lequel il a témoigné. Et il a opprimé de la plus ignoble des oppressions. Il a témoigné contre lui de manière mensongère. Soit tu lui as fait payer de l'argent par son faux témoignage, ou l'a accablé dans le sang ou dans l'honneur. Lida, فَإِنَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ وَمُتَّكِئٌ يُحَدِّثُمْ عَنِ الشِّرْكِ وَخَطَرِهِ وَعَنْ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ فلما أتى إلى شهادة الزور جلس لأهمية الأمر وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور قال الراوي فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت من شدة الخوف من عقوبات الذنوب عموما ومن شهادة الزور خصوصا فالواجب على المسلم أن يحصن نفسه من الكذب في أي مجال من المجالات وفي أي حال من الأحوال لا يكذب. ولو سمي الكذب بغير اسمه لا يكذب بل عليه دائما أن يعود نفسه الصدق أو يمسك لسانه حتى لا يقع في جريمة الكذب التي هي من كبائر الذنوب والله أعلم. Donc, et c'est la conclusion du cours d'aujourd'hui, inshallah. Celui qui commet le faux témoignage commet et récolte de nombreux péchés sous trois aspects, comme nous l'avons compris. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait à ses compagnons en étant couché de l'association à Allah et de son danger, de la désobéissance aux parents. Puis lorsqu'il est arrivé au faux témoignage, il s'est assis, en raison de la gravité de l'affaire. Il était donc couché, alayhi salatu wassalam, puis s'est assis et il a dit « Ala wa shahadat zur, ala wa qawl zur » Et « ala » on a dit que c'est « harfu tenbih », c'est une particule en langue arabe, pour attirer l'attention sur ce qui va être dit important après cela. Et donc il a dit « et le faux témoignage, et le faux témoignage », attirant l'attention sur le danger du faux témoignage et de la fausse parole. Le rapport du hadith a dit, il n'a cessé de le répéter, jusqu'à ce que nous disions si seulement il s'était tu. Comme on l'a dit, en raison de la peur sévère quant au châtiment des péchés en général et du faux témoignage en particulier, ou comme certains gens des sciences l'ont expliqué, par compassion et par pitié envers le prophète Aïssat wassalam, parce que il était indisposé, il était froissé, il était fâché quant au faux témoignage, et donc en temps de compassion de la part des compagnons de Allah alayhim, ils ont dit cela. Il n'a cessé de le répéter jusqu'à ce que nous disions si seulement ils s'étaient tus en raison de leur peur sévère quant au châtiment des péchés en général et du faux témoignage en particulier. Ce qui est donc obligatoire aux musulmans, c'est de se protéger lui-même du mensonge dans n'importe quel domaine que ce soit, et dans n'importe quelle situation que ce soit, de ne pas mentir. Et même si le mensonge est nommé d'une autre manière, de ne pas mentir, mais au contraire, il doit s'entraîner continuellement à être véridique ou de retenir sa langue afin qu'il ne commette pas le crime du mensonge qui fait partie des pires péchés. Des péchés majeurs, et Allah est certes le plus savant, subhanahu wa ta'ala. Et avec cela, on a fini le cours d'aujourd'hui. Donc on a vu, encore une fois, comme on l'a vu dans les cours précédents, que Allah azza wa jalla, il a joint au tawhid l'obéissance aux parents. Ici, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre l'association Allah azza wa jalla, et directement après, contre la désobéissance aux parents, pour montrer aussi la gravité de cet acte-là, et que ça fait partie des péchés majeurs importants, qu'Allah nous en préserve tous, et qu'Allah nous facilite à tous d'être bons et d'être obéissants envers nos parents, et nous pardonne nos manquements, et pour ceux qui y sont décédés, qu'Allah leur fasse miséricorde, et n'oubliez pas dans vos dua, Jazakumullahu khairan, wallahu alam wa subhanakum wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, Jazakumullahu khairan.